Allez, on y va. Il n'y a plus de chouf. Bienvenue à la première transmission du Passeur Critique pour une table de conversation cinéphilique qui n'a pas l'ambition, encore une fois, de traiter de l'actualité puisque nous sommes déjà bien loin de l'actualité. Mais bon, on va juste vous proposer une petite heure de réflexion. Ce soir, on parlera de Joy de David O. Russell, puis ensuite The Hateful Eight de Cutie. On va oublier le titre français que personnellement je trouve imbitable. Et ensuite, nous parlerons en fin d'émission de Carole de Todd Haynes. Autour de cette table, Lucien Alflans. Bonjour. Bonsoir Lucien et Manuel Haas. Bonsoir Olivier. Bonsoir Manuel. Donc nous sommes tous les trois rédacteurs au Passeur Critique. Nous présentons quand même Olivier Grinard, notre maître de cérémonie. Donc avant d'évoquer ces trois films qui émaillent le début de l'actualité 2016, on va revenir très rapidement sur 2015, puisqu'on a déjà traité de 2015 en long et en large sur le site Le Passeur Critique. Et donc, dans notre top 10, sur le podium, trois films. Mad Max de George Miller, Vice Versa de Pete Docter et Foxcatcher de Bennett Miller. Et donc on va revenir très rapidement sur chacun de ces films avant de vous donner nos espoirs pour 2016, puisque 2016 est déjà entamé. Donc Manuel, tu te charges de Mad Max. C'est juste un petit peu le Citizen Kane du film d'action. Mais tout simplement, c'est le film le plus réjouissant de l'année dernière. Une sorte de maître étalon du film d'action, de ce que devrait être tout film d'action, mais qu'on n'a plus l'habitude de voir aujourd'hui. C'était un film où on se sent tout petit quand on aime le cinéma, face à ce degré de maîtrise de l'outil. Est-ce que Mad Max, selon toi, va ouvrir une brèche dans le cinéma d'action, et est-ce que tu vois quelque chose qui se dessine après Mad Max? J'aimerais dire oui, parce que quand tu entends certaines déclarations de cinéastes, que ce soit Brad Bird ou Rian Johnson qui va se chapeauter, je crois, maintenant de Star Wars, qui a quand même grosso modo dit toute l'admiration qu'il avait vis-à-vis du film. Après, moi, mon constat, il est un peu plus dur. Les chiffres au box-office, Mad Max, oui, ça marche bien, mais ça fait beaucoup moins. Ça fait dans les 300 millions de dollars de recettes face à un Fast and Furious 7. Fast and Furious 7, c'est 1,7 milliard. Est-ce qu'il y a une nouvelle génération de cinéastes à part Cameron, à part Miller, McTiernan qui est tricard, on attend toujours d'année en année son film après sa sortie de prison. À part ces mecs-là qui ont vraiment redéfini le genre du cinéma d'action dans les années 80, il n'y a pas grand monde au bout de la route, quoi. Ok, on va passer à la suite. Donc le Vice Versa, c'était notre top 2 du Passeur Critique cette année. Vice Versa, donc le film de Pete Docter. Peut-être un bip dans la trajectoire du studio Pixar, qui était en train de plus ou moins descendre ces dernières années. En tout cas, la côte d'amour était en train de descendre, même si les films restaient tout à fait regardables, je pense. Mais donc Vice Versa, qui a séduit beaucoup de monde, qui est quand même un film qui a ému aussi énormément. C'est quand même un truc que sait faire Pete Docter, là-haut est aussi... était très fort dans ses premières minutes, quoi. En effet, là aussi, le démarrage du film Vice Versa est excellent. La fin aussi culmine à des pics d'émotion. Même si, personnellement, j'ai quelques réserves sur le film. Je trouve que le film a ce qu'on appelle un ventre mou. Hein, dans sa deuxième partie, il tourne un petit peu en rond. Et ensuite, on peut dire que Pixar ne redéfinit pas une esthétique qui soit vraiment personnelle ou qui soit vraiment intéressante ou vraiment du jamais vu. Pixar, en fait, recycle un peu les mêmes formules, même s'ils arrivent, encore une fois, à faire un scénario qui tient vraiment bien la route et un accomplissement au niveau de l'ensemble. Mais je pense que ça ne laisse pas augurer de bonne chose pour la suite, notamment vu la sortie relativement confidentielle du Voyage d'Arlo, comparé aux autres films Pixar. Et la bande-annonce un peu mielleuse, je pense qu'on peut... Et la bande-annonce qui ne laissait pas présager le meilleur, et puis aussi l'annonce qu'ils ont fait de leur projet à venir, qui franchement, on n'a pas un Wall-E où on nous disait « on va vous faire un film complètement muet dans l'espace », on nous vendait ça comme ça. Oui, mais c'est pas juste le studio qui te vend Wall-E, c'est Andrew Stanton, c'est le mec qui a fait « Le monde de Nemo ». Tout l'enjeu de Pixar, c'est est-ce qu'ils vont s'émanciper de Brad Bird, d'Andrew Stanton, de Pete Docter et de John Lasseter. C'est juste à un moment, cette question-là, est-ce qu'ils arrivent à faire éclore des nouveaux talents? Parce que les grands films Pixar, c'est les films de ces mecs-là. Moi, j'ai pas de soucis, Ça fait un peu chier de se dire que Brad Bird se ramasse sur Tomorrowland quand il refuse Star Wars et qu'il va enchaîner derrière sur Les Indestructibles 2. Mais j'ai aucun souci de me dire que ce film va être réjouissant, je veux dire, parce que c'est Brad Bird qui est aux commandes derrière. Et j'ai aucun souci avec les Toy Story 1, 2 et 3, qui sont des grands films. Après, c'est juste... Est-ce que c'est pas juste le studio de ces mecs-là? Mais comment a été Ghibli? On a pleuré sur la fermeture de Ghibli. Voilà, c'est un peu la fin d'une histoire, mais... C'est peut-être bien aussi, ça a été le studio de Takahata, de Miyazaki, et point barre, mais c'est déjà une super belle aventure. Ok, donc sur ces deux points, enfin, finalement relativement déceptifs, peut-être un cinéaste dont je crois qu'autour de cette table on est assez d'accord, on n'attendait finalement pas grand-chose, qui nous sort tout début 2015, Foxcatcher, Lucien. On vient de parler de deux films qui sont ouverts vers l'avenir, sur l'avenir, particulièrement Mad Max, je ne suis pas revenu vraiment là-dessus tout à l'heure, je reviens de ces 10 secondes, qui pour moi offre vraiment une vision utopiste de l'univers Mad Max, qui était à l'inverse dans les années 80, un truc très, très noir et très, très sans issue comme ça. Voilà, fin de la parenthèse. Foxcatcher, lui, regarde plus directement, et je pense toute l'œuvre de Bennett Miller, l'autre Miller, directement vers le passé relativement proche, que ce soit avec Truman Capote, avec Moneyball ou celui-ci, Foxcatcher, qui est un film formidable à tout niveau, mais qu'on me demande de parler succinctement de Foxcatcher, première chose dont j'ai envie de parler, c'est des acteurs. C'est de Mark Ruffalo, de Steve Carell et de Channing Tatum, qui sont tous les trois absolument hallucinants. En lien avec une animalité profonde, que ce soit physiquement, avec les prothèses, avec tout ce jeu du maquillage, c'est une importance narrative qui mène vraiment ces personnages vers la mythologie, vers leur côté plus enfoui du monstre, comme ça, qu'il peut y avoir à l'intérieur des trois personnages de manière très différente. Mais voilà, c'est un film qui tire parfois vers le fantastique, un film extrêmement pictural, avec un faux rythme, comme ça, assez lent, mais qui par instant explose. Il y avait une scène avec la mère, notamment, une scène où la mère regarde Steve Carell faire une fausse leçon de lutte qui est absolument... Qui s'auto-met en scène ouais. pour plaire à sa mère, et c'est aussi tout un enjeu du film, il veut plaire à sa mère, et bon voilà. Bon, merci sur ces bonnes paroles, donc un espoir finalement, Foxcatcher, Bennett Miller. Pas une simili-déception avec Mad Max, mais disons qu'une grande réussite pour peut-être un désert derrière, et vice-versa, qui est peut-être un petit peu la même chose. Mais si vous aviez un espoir pour 2016... Je vais rebondir directement, ça va revenir sur la parenthèse que j'ai fait sur Mad Max tout à l'heure. Il y a des films que j'attends en 2016, bien sûr, il y a aussi Ocean, il y a les Coen, il y a Scorsese, bien sûr, j'attends tout ça. Mais moi, c'est une attente plus générale, ou plutôt un questionnement, sur comment le cinéma va réagir au marasme, à la noirceur des dernières actualités. Et je pense que déjà, qu'en fin d'année, il y avait déjà des bribes de réponses à ça, quand on voit, je pense Mad Max, mais... Tomorrowland, le Brad Bird, le problème Spielberg, c'est que c'est... Qui sont le Spielberg aussi, mais qui passe un peu sous le radar malgré tout. T'as l'impression que ce côté de prôner ce qu'il y a de bien en l'humain, d'avoir cet optimisme, c'est vu un petit peu comme un truc publicitaire, alors que non, c'est une sorte de volonté de te dire, non, on est capable de ça aussi. On croule sous des blockbusters qui jouent le cynisme, qui jouent la noirceur. On n'est pas tous en train de se bouffer. Il y a aussi de la beauté dans Arrêt Enchanté. Et que ces films-là se cassent la gueule, c'est un peu triste même. Mais bon, après, il ne faut pas oublier qu'ils existent. Donc c'est qu'à un moment, il y a quand même une logique industrielle qui les produit, même s'ils ne touchent pas pour l'instant vraiment le public complètement. On peut espérer que d'année en année, le travail se fasse et que ces films-là gagnent leur galon, quoi. Ou inspire d'autres cinéastes. C'est exactement là que je voulais en venir. Je pense qu'on vit une époque qui est assez cynique et que les faits derniers vont peut-être avoir tendance à inverser la donne à ce niveau-là. Et je pense en tout cas dans le cinéma qui est comme tout art, part de tout ça. J'ai l'impression qu'on va se diriger vers ça. Je ne vais pas dire j'espère parce que je peux être très intéressé par un regard cynique sur les choses aussi, mais j'ai l'impression qu'on va se diriger vers ça et c'est un peu mon questionnement. Est-ce que 2016 va prendre cette direction ou pas? Et donc pour 2016, qu'est-ce que tu attends, en fait, Lucien? Mais non, toi, c'est Manuel, de quoi tu attends, toi, Manuel? Puisque Lucien attend plus d'espoir dans le cinéma. Ouais, non, moi, si j'avais un seul film à attendre de l'année 2016, qui est un peu ridicule, mais bon, si on devait juste en tirer un seul, ça serait justement quelqu'un qui a fait un petit séjour par l'écurie Marvel. Peut-être un des moins mauvais Marvel, même si c'est pas folichon, qui s'appelle Iron Man 3. Mais surtout, ce gars-là, c'est Shane Black. C'est le grand scénariste du cinéma d'action des années 80, qui a fait du remaniement surtout pour Predator, mais c'est surtout L'Arme Fatale, un de mes films préférés qui est Le Dernier Samaritain de Tony Scott, et The Long Kiss Goodbye de Ronnie Harlin. Il avait déjà fait un film déjà produit par Joel Silver, qui s'appelait Kiss Kiss Bang Bang. Il retourne à ce qu'il sait faire de mieux, qui est le buddy movie avec The Other Guy, qui est un film qui met en scène Russell Crowe et Ryan Gosling. Et la bande-annonce qui est sortie sur Internet est juste un monument de coolitude. Les gags visuels qui sont à l'écran sont hilarants. Et ça sort quand ? Je sais pas, je crois que ça sort en début d'année. Mais en tout cas, ouais, si vous avez pas vu la bande-annonce, regardez, vous allez être conquis. Et toi, Olivier ? C'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de Pixar et le fait que Pixar n'arrivait pas à générer sans doute de nouveaux talents. Mamoru Hosoda, donc, qui avait fait Les Enfants Loups il y a 3-4 ans, sort ces jours-ci un film en France qui s'appelle Le Garçon et la Bête. En Belgique, il sera visible au Festival Anima, je pense. Et donc, voilà, j'espère vraiment que ce film-là saura m'enchanter autant que Les Enfants Loups il y a 3 ans, même si... On ne peut pas en vouloir à quelqu'un de ne pas faire un chef-d'œuvre à chaque coup, n'est-ce pas ? Et d'autre part, ben, j'espère pour 2016 que le box-office américain va un petit peu être tourneboulé, que peut-être il y aura un film original qui arrivera à faire son bonhomme de chemin, parce que tous les films originaux cette année, que ce soit Tom Holland, que ce soit Jupiter Ascending, se sont tous cassés la gueule sans aucune promotion derrière, ou en tout cas une promotion minime. Ils ont carrément lâché par leur studio. On voit Jupiter Ascending, c'est le même cas qu'il y a eu pour John Carter à l'époque quand il est sorti. C'est grosso modo, on sort un film à plus de 200 millions, mais on n'en fait pas la promo. Donc voilà, en tout cas, j'espère pour 2016 un beau dessin animé de Mamoru Hosoda qui nous consolera de la fin de Ghibli. Et j'espère aussi qu'il y aura des surprises au box-office mondial, on va dire, qui changeront un petit peu l'échiquier. Qui, depuis 5 ans, nous désespère quand même assez fondamentalement. Mais donc, on va parler tout de suite de Joy après une petite pause, parce qu'on a besoin de boire un petit peu d'eau, et à tout de suite. Listen to me. I'll tell you what's going to come of you. You are going to grow up and be a strong, smart young woman. Go to school. Meet a fine young man. Have beautiful children of your own. And you're gonna build wonderful things. And that is what is going to happen to you. Donc, quelques mois après American Bluff, avec, ou American Hustle, je ne sais plus quelle est la version française du titre. American Bluff, tu veux dire ? Voilà, le titre français. D'accord, ok. Ce sublime titre français, donc American Bluff, avec Christian Bale, qui avait fait beaucoup parler de lui autour de la cérémonie des Oscars. Donc, David O. Russell ressort un film, encore une fois avec Jennifer Lawrence, encore une fois avec Robert De Niro et Bradley Cooper. Et depuis quelques années maintenant, on parle pas mal en fait de David O. Russell. Mais il a connu quand même une grosse traversée du désert. Je veux dire, on l'a connu surtout avec Les Rois du désert. Ouais, justement. Et puis il y a eu donc I Love Jacobies, qui est un film qui a très peu marché, qui est pas forcément descendre par la critique. Hein. Qui s'est fait descendre par la critique, mais qui est surtout connu pour ce qui s'est passé en coulisses, ou le comportement extrêmement nerveux de David O. Russell avec ses acteurs, et notamment une des actrices du film, lui a posé beaucoup de problèmes, et il a été un peu tricard à Hollywood pendant de nombreuses années, avant d'être récupéré par Mark Wahlberg, qu'il avait fait tourner dans I Love the Huckabees et aussi dans Les Rois du désert, qu'il est venu le récupérer sur un projet que lui m'avait initié, qui était The Fighter. Et il atterrit sur ce film-là, qui est un film de boxe, avec toute la figure tutélaire de Rocky Balboa, qui devait être réalisé, je crois, à l'époque par Darren Aronofsky, ouais, qu'il a lâché. C'est aussi un film de rédemption pour un début de nouvelle carrière à Hollywood pour David O. Russell, qui après a enchaîné un rythme quasiment alénien, on va dire, des films régulièrement avec le même casting. C'est quand même un mec qui t'aura, pour moi, révélé Bradley Cooper, qui pour moi avait eu une carrière plutôt insignifiante auparavant, qui avait du mal de s'extirper de ses rôles de jeune premier, que ce soit dans la série Alias, puis après dans les Very Bad Trip, et qui, je trouve, une ascension, après il explose aussi chez Eastwood. Mais je veux dire, la façon dont il a maturé en tant qu'acteur chez David O. Russell, et je trouve hallucinante, quoi. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils tournent toujours avec les mêmes acteurs, les mêmes actrices, ils sont tout le temps différents. Moi, dans Joy, Jennifer Lawrence, elle passe de visages extrêmement différents dans tout le film. Je ne la reconnais pas, à plein de moments, je ne vois pas Jennifer Lawrence, quoi. Je vois une actrice complètement polymorphe. Moi, personnellement, je pense que Joy est un des meilleurs films qu'il a sorti de cette vague-là, avec Happiness Therapy, qui est aussi un grand titre français. Ben c'est vrai que moi je suis pas du tout client de David O. Russell. Il y a aucun de ses films qui s'est imposé à moi comme un film d'auteur ou comme un film vraiment disons spécial ou particulier. J'ai trouvé que The Fighter était un film tout à fait regardable, il n'y avait aucun problème avec ça. Mais ensuite, comme tout le monde s'est un peu emballé autour de Happiness Therapy, Et puis ensuite de American Bluff, qui a eu quand même ce gros buzz Oscar. Moi, j'étais pas très client. Et puis, je dois dire que Joy, quand je l'ai vu, m'a procuré un plaisir assez intense. En fait, le gros truc sur David Russell, c'est que moi, je trouvais que ses films avant, que ce soit Happiness Therapy et American Bluff, j'avais l'impression de tunnel, des espèces de tunnels où il n'y avait aucune variation de rythme et où je n'arrivais à m'accrocher finalement à rien, à pas vraiment au personnage. En fait, David O. Russell, il veut en faire trop. Peut-être qu'il a cette chance-là. Dans Joy, déjà, il y a trop de films différents. Il y a trop de tons différents. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnages. Dans ces films, il y a énormément de personnages. Qu'est-ce que ça fait du bien? Par exemple, dans American Bluff, il y avait énormément de personnages qui étaient tous intéressants, mais dont aucun, finalement, ne ressortait spécialement, je trouve, personnellement. Dans Joy, si je peux me permettre, pour moi, il y en a deux qui tiennent la route. Mais dans Joy, justement, là où je veux en venir, si vous me laissez finir, c'est que dans Joy, justement, il s'intéresse à un... Enfin, non, il y a énormément de personnages secondaires, mais il garde quand même ce personnage principal. Et il arrive, enfin, je trouve, à ralentir le rythme. Il y a deux séquences, pour moi, dans le film, qui sont les séquences qui tournent autour de l'histoire du téléachat. Dans ces séquences-là, il arrive vraiment... pour une fois, à ralentir et à faire vraiment une scène où on va être touché dans nos émotions, où Bradley Cooper a une espèce de démiurge comme ça. La plus belle scène du film, je suis absolument d'accord avec toi. Mais c'est surtout que cette scène-là rejoue l'introduction du film avec la prophétie que lui donne sa grand-mère. Il reprend exactement ce même plan au moment où Joy va devoir s'adresser devant la caméra et c'est Bradley Cooper qui a remplacé sa grand-mère, qui va bientôt s'effacer dans le récit, quoi. Mais je suis d'accord avec ça. Mais à contrario de ça, je trouve qu'au début du film, il est sur une espèce de train qui va super vite, où il te balance des personnages et des trucs qui peuvent être marrants. Enfin, je veux dire, la nana qui vit dans son lit, etc. Tout ça, c'est assez drôle, c'est assez bien croqué, etc. Même s'il est toujours sur plusieurs tons différents. Et il y a notamment une scène au début que moi, je trouve qu'il y a tout le potentiel d'une scène géniale. Il est sur un... Elle est sur un parking et elle veut vendre ses serpillères. Et alors là, cette scène, elle aurait pu être drôle, elle aurait pu être triste, elle aurait pu être plein de choses à la fois, mais il la traite trop vite. Il oublie en fait vraiment son personnage, il oublie d'aller vraiment au fond des choses parce qu'il a trop de choses à traiter et finalement, il ne s'arrête que dans ses scènes de téléachat. Pour moi, c'est ça vraiment le problème. Je pense pas qu'il perd le personnage, parce que justement, moi, je trouve une des grandes forces de Joy, c'est que tu ressors la même énergie et la même force que le personnage dans le dernier plan du film. C'est un film, justement, qui va très très vite, parce que justement, on en a parlé sur le site dans une critique, avec un parallèle avec un film de Scorsese, justement. Alice n'est plus ici. Et justement, moi, je trouve que la force de Joy, c'est Alice n'est plus ici, mais pas par le Scorsese des débuts. Mais Scorsese qui avait fait Les Affranchis, c'est que ça a un rythme de malade, Joy. Ça file à une vitesse et une invention, les scènes filent. On commence avec cette narration gamine, etc. Puis on passe directement, elle est déjà divorcée. Et la rencontre amoureuse, c'est trois scènes. Ça file à une vitesse, mais c'est d'une intelligence chaque fois dans le traitement des personnages. La façon aussi dont il joue sur les apparitions des gens, parce qu'il est conscient qu'on revoit le même casting derrière, on revoit Jennifer Lawrence, comme tu le disais, on revoit Bradley Cooper. Mais regardez comment ils sont introduits, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, elle est découverte, on passe de la petite gamine à Jennifer Lawrence, et elle est montrée dans le noir. Il y a une façon justement de t'amener à ces visages de cinéma, à jouer sur l'attente du spectateur, et l'arrivée de ces personnages-là, je trouve que c'est assez brillant. C'est une lecture que moi j'ai pas eue, et donc je suis très intéressé par ce que dit Manu, mais... Comme je n'ai pas vu cette lecture, moi j'ai un problème avec tous ces personnages qui apparaissent, comme tu dis. Moi, je les ai juste vus passer. Je comprends absolument toutes les utilités des personnages dans le récit, mais je trouve qu'aucun n'existe, aucun ne prend ancrage dans l'histoire, si ce n'est Joy, qui est assez attachante, mais en même temps, il lui arrive tellement de trucs que ce serait difficile de ne pas avoir au moins une accroche pour elle. Ouais, mais c'est jamais misérabiliste, c'est jamais... Il y a toujours cette... Mêle, il y a ça toujours... frôle quand même avec le misérabilisme. Mais non, parce que justement, il y a toujours ce regard. Les deux gosses ne servent à rien d'autre qu'à mettre du poids sur les épaules. Mais de la comédie aussi, parce que c'est jamais tiré d'une façon larmoyante. Il n'y a jamais Russell ne tire jamais sur ce côté, justement, ce qu'on lui reproche. Il, grosso modo, il s'extirpe un petit peu du naturalisme ou du réalisme qu'on voudrait avoir sur ce genre de sujet. Mais mon Dieu, ça fait du bien. Des mecs, justement, qui... qui sont un peu versatiles, qui proposent à la fois du drame, de la comédie, et qui se cantonnent pas dans un genre. Il y a des séquences, notamment, à des moments, il convoque quasiment le film d'horreur, dans les séquences où elle est projetée dans ce soap opera, où elle se revoit gamine, et la gamine lui est en train de la tenser littéralement. On se retrouve dans une position limite de Chucky qui est en train de lui parler, quoi. Je vois peu, aujourd'hui, de cinéma qui se permettent cette liberté de ton, qui ose plein de registres, etc. Il y a peut-être des choses qui fonctionnent. Est-ce que ça rend pas un truc un peu foutraque au final? Ouais, voilà, c'est ce qu'on dit. Qui trop embrasse mal étreint, n'est-ce pas? Il veut trop faire, en fait. Il fait trop de personnages, trop de films, trop de choses différentes. Et en fait, il oublie finalement de traiter ce qu'il y a de vraiment essentiel. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment essentiel dans son film? C'est ça le truc. Est-ce qu'il arrive à justement étoffer ce personnage de Joy qu'on aimerait aimer plus, en fait. Mais on l'aime à la fin. Moi, je suis sorti du cinéma galvanisé de la même façon que le personnage-là. Et moi, je préfère largement un film qui a un trop-plein que pas assez. Je veux dire, tu me disais qui embrasse trop mal étreint. Mais non, je préfère largement qu'on m'embrasse trop. Je veux dire, le nombre de films qui fonctionnent sur une seule idée qui traîne. Là, ça a une énergie qui est peu commune. Moi, je pense que le vrai sujet de Joy, c'est le côté factice du rêve américain et la manière dont il se vend. Et je pense que le film se fond complètement là-dedans. Tout dans le film est un peu en toc pour moi. Enfin, il y a un côté comme ça, et ça rejoint ce côté, la manière dont on vend du pas grand-chose au final, qui a un balai un peu malin. Dire ça comme ça. Et je trouve que le film est un peu factice pour moi. Non, parce que moi, justement, cette histoire du ballet, il le fait sans cynisme. C'est ça qui me séduit aussi. En fait, ça parle de création, ça parle de cinéma, ça parle de plein de choses, etc. Cette aspiration de ce personnage-là, et qui était déjà le cas d'autres films de David de Russell, cette idée d'avoir une deuxième chance, d'avoir encore des cartes à donner. Non, parce que pour moi, justement, il te montre, entre guillemets, qu'elle a peut-être inventé un ballet qui est peut-être un truc un peu ridicule, un petit peu. On peut un peu se moquer, mais ce qui met avant tout, c'est l'acte de création qu'elle a eu. Ce qui la motive derrière. Et je trouve justement ne pas le réduire à juste ce petit produit industriel et te dire ce qui compte avant tout, c'est quand même ce qu'elle a créé. Elle s'est salie les mains, elle s'est abîmée les mains avant de trouver ça. Je trouve justement, quand on parle de cynisme, il a zéro cynisme par rapport à ça. Alors combien de cinéastes auraient traité ce même sujet-là avec un cynisme en montrant cette bobonne et avec une sorte d'un peu de mépris classe par rapport au personnage? Il a jamais ça. Je trouve que, comme tu dis, la manière dont il amène la création du ballet, cette scène sur le bateau où elle nettoie des morceaux de verre, je trouve ça assez intelligent et bien amené, même vraiment bien. Mais il y a des moments où c'est pas tellement du cynisme, c'est une sorte d'ironie. Il y a une sorte d'ironie par rapport à certains personnages. À certains moments, elle est très forte et à d'autres pas du tout. Et donc, on est perdu dans cette espèce de no man's land. Enfin, il y a vraiment des personnages qui sont traités sur le mode purement de la caricature. Enfin, je veux dire, Isabella Rossellini, Robert De Niro, la belle-sœur. Donc, enfin, je veux dire, ils condamnent la belle-sœur. Enfin, il y a un truc... Ah ouais, c'est un peu ça. Et De Niro est beaucoup... Mais il la condamne, tout à fait d'accord, dans la ligne du récit. Mais ça reste, malgré tout, des personnages un peu foireux, mais attachants. Il y a un côté, il y a toujours eu ça chez David Russell, les familles sont dysfonctionnelles, mais ça reste la famille. Il y a quand même des liens attachants, et moi je trouve ces personnages-là, ils sont foireux, mais il n'y a pas de pur salaud dans son cinéma. Mais moi, personnellement, j'avoue que j'y allais pas vraiment avec des pliés de plomb, mais j'étais pas du tout emballé à l'avance, et j'ai trouvé que c'était sans doute son film, personnellement, qui m'avait le plus plu. The Fighter, effectivement. C'est ceux que je préfère, en tout cas. Pas que ce soit de grands films, mais c'est des films que j'aime bien. Voilà. On peut peut-être terminer sur, parce qu'on est des gens sympas, on peut peut-être terminer sur les belles paroles de Manu qui sont pleines d'amour pour le cinéma de David Russell. Ok, on va passer à la suite. My name's Joy, by the way. One of them fellas is not what he says he is. Move a little strange, you're gonna get a bullet. Not a warning, not a question. Donc deuxième film de la soirée, Hateful Eight de Tarantino. 2 ans ou 3 ans après Django Unchained, qui était un succès à la fois critique et public, il retourne dans l'univers du western avec donc Hateful Eight. L'histoire, vous la connaissez, Kurt Russell, qui est un chasseur de primes, doit amener Daisy Domergue. Donc il doit l'amener à Red Rock pour la faire pendre et toucher sa prime. Mais avant ça, il y a une tempête de neige qui le bloque dans une auberge, un relais de diligence chez Minnie. Et là, il va faire la connaissance de 4 ou 5, je ne sais plus. Enfin, je veux dire, le titre, c'est Les 8 salopards, mais il y a plus que 8 personnages. Je pense qu'il joue là-dessus, d'ailleurs. Moi, tout le film, j'ai essayé de les compter. Et je pense qu'il y a une velléité de sa part. Ouais. Pour moi, il y a clairement deux films. Il y a un film qui est purement du côté du western et que je trouve assez ennuyeux. Vraiment, il y a des moments où je m'ennuyais vraiment. Et je préfère clairement la deuxième partie qui se tourne assez clairement vers l'horreur et vers... Le Grand Guignol. Le Grand Guignol et vers The Thing de Carpenter. Mmh. Je pense qu'il s'en cache pas. Je n'ai pas lu ou vu en parler, mais qui s'en cache m'étonnerait énormément. En tout cas, moi, ce qui me pose problème, c'est que je pense qu'il arrive quand même au bout d'un certain système. C'est-à-dire que ses dialogues n'ont plus le peps d'avant. Et je trouve également que le côté jukebox de son cinéma, enfin, je veux dire, Tarantino a vendu des BO de films par carton entier, je trouve que là, justement, il laisse pas assez de place à la sublime partition que Ennio Morricone lui a donnée. Sublime. Il y a quand même beaucoup de reprises de thèmes abandonnés pour justement The Thing. C'est pas une BO notable de Morricone. Pour moi, l'utilisation de la musique dans ce film-là n'est clairement pas la plus brillante qu'il ait fait par le passé, à part Silent Night, dans un super passage qui est le dialogue de Samuel L. Jackson, qui est pour moi un des sommets du film et qui est justement la façon de construire une scène de dialogue comme une scène d'action, à la fois avec ce flashback où on te montre progressivement ce personnage-là pour lequel on pourrait avoir un peu d'empathie, le plus d'empathie, mais là tout d'un coup qui devient authentiquement un salopard pur et dur. Et quand tu dis qu'il tire à la ligne sur ses dialogues et qu'il est moins d'une certaine façon cool comme auparavant, il y a moins ce peps là, mais c'est son film le plus désespéré. C'est un film de noirceur. Il a aussi vieilli, Tarantino. Et son regard sur le monde qu'il porte, il est d'une noirceur pas possible. Son cinéma, justement, il a évolué. C'est plus cool. C'est plus fun. C'est plus du tout ça. C'est vrai que dans le film, il n'y a aucun personnage qui est attachant. Tous les personnages sont insauvables. Quoi. Mais c'est le titre du film. C'est quand même aussi le sujet. On ne peut pas reprocher ça au film. Non. Je ne suis pas en train de le reprocher, je dis juste que c'est un film qui est difficile. C'est un film qui est difficile à avoir un affect avec les gens. C'est un film qui est difficile pour rentrer dedans. Après, si j'ai la parole une minute. Je t'en prie. Il y a plusieurs choses dont on a parlé, je pense. Par rapport à la musique, je ne sais pas exactement comment s'est fait la collaboration entre Morricone et Tarantino, mais je pense que l'intelligence de Morricone, c'est qu'il y a vraiment des... Tu parles du Silent Night, mais il y a d'autres moments où je trouve qu'il sait qu'il travaille avec Tarantino, qui est un cinéaste qui prend énormément de place. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il n'aimait pas les scores et qu'il faisait du jukebox, comme tu dis. Je pense que Morricone est très conscient de ça et qu'il lui offre des thèmes qui sont en sourdine. C'est pas le morceau pop, qu'on entend comme on l'entendait auparavant. C'est pas le bon, la brute et le truand, c'est pas... Et je trouve ça très intelligent. Je ne sais pas si c'est Tarantino qui a choisi parmi un certain nombre de compositions que lui a proposé Morricone, ou si c'est Morricone qui a eu le recul nécessaire pour dire c'est Tarantino, je vais lui offrir ça plutôt qu'autre chose qu'il aurait pu prévoir. Tu disais que c'est le film le plus noir de Tarantino. Moi, je pense à l'exact opposé, que c'est pas l'exact opposé. C'est un film assez noir. C'est quand même difficile avec la fin qu'il a. Quoi. Non. Mais c'est le film le plus moral de Tarantino, de tout. C'est là. En fait, je pense que Tarantino avait un plaisir, faisait du cinéma avec du néant, et faisait du fun avec du néant jusqu'à Inglourious Basterds. Je suis d'accord, quand tu dis avec du néant, ça n'a pas du tout un côté péjoratif. C'était du pur cinéma. Voilà. Et que là, progressivement... Tu sens qu'il a quelque chose à dire sur l'état du monde. J'ai peut-être mal compris. Je pense qu'il a ça justement. Depuis Inglourious Basterds. Je pense qu'il a quelque chose à dire sur l'état du cinéma, sur l'utilité du cinéma et sur l'état du monde. Ce qui diffère dans celui-ci, dans Hateful Eight, c'est qu'il n'y a pas cette notion de revanche qu'il y avait clairement dans Inglourious Basterds et dans Django. Vraiment, les minorités qui veulent prendre leur revanche sur leur passé. Oui, et puis il joue justement le personnage pour lequel avoir une empathie, réellement le personnage de Samuel L. Jackson, elle est compliquée. L'identification, elle est sacrément vrillée. Au final, paradoxalement, plus d'empathie pour ce personnage repoussoir au départ, qui est ce personnage de Mannix, sudiste, raciste, gros connard au départ qu'on prend dans la diligence, et qui au final, c'est un salaud, mais il est peut-être moins même salaud que Samuel Jackson au final. Et c'est exactement là que je voulais en venir, après on donne peut-être la parole à Olivier, mais quand je parlais de moralité du film, il y a un dialogue qui me semble essentiel, enfin un monologue qui me semble essentiel dans le film, c'est celui de Tim Russ quand il parle de... La peine de mort. J'avais trouvé le monologue assez formidable au moment où il arrive dans le film. Et à la fin, ce monologue reprend toute son importance et donne un truc que je trouve très intéressant, mais et en même temps qui est presque un aveu de faiblesse de Tarantino. Il y a vraiment un désaveu par rapport à tout le cinéma et peut-être au personnage de rockstar s'il en est parmi dans le cinéma qui est Tarantino. Mais je pense pas que c'est un désaveu pour moi qui fait. Hein. C'est parce que t'as aussi tout un jeu aussi de miroir, parce qu'auparavant il citait vachement les autres, il se cite aussi. Hein. La fin du film, c'est clairement la fin de Reservoir Dog. Hein. Tu entends parler juste avant, mais c'est quasiment le même plan que la fin de Reservoir Dog, que ce qu'on a avec ces deux personnages-là. Mais on va laisser parler un petit peu notre maître de cérémonie, parce qu'on a joué un peu les trémillions, qui a introduit, et on a fait des gros tunnels, et on ne laisse pas parler. Donc, Olivier, qu'est-ce que tu penses de Tarantino ? Non, parce que vous me parlez de en effet, voilà, de peine de mort, de la réflexion de Tarantino, etc. En parlant un peu de cinéma, arrêtant de parler de sujets sociétés, voilà, c'est ça. T'as raison. En fait, c'est ça, ouais. T'as bien raison, Olivier. Purement, mon problème que j'ai avec le film, c'est ça, c'est qu'il me procure un plaisir monstre dans sa deuxième partie, où la partie du café, justement, enfin toute l'histoire du café, de la chanson que Jason Lee joue au même moment, etc. Je trouve que c'est assez brillant. Mais dans la première partie du film, il y a des longs tunnels où je m'ennuie, où je trouve que Tarantino se... C'est pas qu'il se parodie, mais c'est que... Enfin, c'est un film auto-satisfait. Et auto-référencé. Peut-être, beaucoup, mais... Beaucoup, Reservoir Dogs, c'est quand même... on y pense mais moi, à j'ai tous pas les vu, plans, quoi. Non, j'ai pas T'as vu... T'as pas vu Reservoir Dogs, quoi. Non, j'ai vu Reservoir Dogs, bien sûr, à de nombreuses reprises, mais j'ai pas vu une aussi grosse référence que ça à Reservoir Dogs, puisque pour moi, là, on est dans un vrai huis clos, et Reservoir Dogs n'en est jamais un. On est dans un vrai huis clos dans la deuxième partie. Oui, enfin... Donc, comme moi, dans la manière dont t'en parles, comme moi, tu vois vraiment... Moi, je vois deux films distincts, et ça me dérange. Et aussi, une autre chose qui me dérange... Foncièrement, c'est que je crois pas dans l'univers que Tarantino me présente. C'est-à-dire que je trouve que tout fait fake. Je trouve que le décor est fake, je trouve que les costumes sont fake, je trouve que les postiches sont fake. Je ne crois en rien. Après, il y a une possibilité... Il y a une thématique qui est le truc, c'est que justement, tous ces personnages jouent un rôle. Et justement, c'est l'intérêt pour moi du flashback de la seconde partie. C'est qu'on te montre que tous ces mecs-là sont des gens qui prennent une position d'acteur et qui jouent à quelque chose. Oui, mais est-ce que ça fait sens ? Est-ce que c'est réussi ? Ok, l'intention est là. Ok, d'accord. L'intention, c'est de montrer que ces mecs-là sont des salopards. Et il le fait très bien, pour moi, du début à la fin. C'est qu'au départ, on a tous un petit peu le côté fun, mais au fur et à mesure, le fun, il disparaît de plus en plus, quoi. Fondamentalement, ça me pose pas de problème. Je trouve juste que le film est faux, que je ne rentre jamais dans ce film, en fait. Ça m'amuse, je vois les références, je trouve ça relativement jouissif, mais... Il n'y a pas de suspense en plus dans le film. Le film évite le suspense. Pourquoi est-ce que Tarantino évite le suspense dans son film alors qu'il fait un huis clos et qu'on aimerait justement se demander mais qui est qui et qui fait quoi ? Il prend 10 minutes pour montrer les types qui sont en train de mettre une corde entre la toilette et l'auberge et entre l'écurie et l'auberge et ça ne sert à rien. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Là-dessus, je suis assez d'accord. Maintenant, je veux juste rebondir sur 2-3 choses que vous avez dites. C'est un sur le côté fake. De toute la partie en huis clos qui est un peu en carton-pâte, mais c'est vrai, mais à la fois je trouve ça, moi, très beau esthétiquement. Je trouve qu'il y a un truc filmé dans un format extra large où on reviendra sur le format. T'as pas le temps justement de piger qui fait quoi, tellement t'as le personnage à gérer dans l'écran, quoi. Mais je te laisse la parole. C'est une autre scène que, enfin, moi je trouve très intéressante, c'est la scène, enfin, c'est tout ce qui suit l'empoisonnement du café qui apporte un certain suspense qui ramène encore plus à la chose de Carpenter. En fait, je pense que toute la deuxième partie du film est une sorte de remake approfondi de cette fameuse scène dans The Sin. Avec les boîtes de Petri et le sang. Exactement. C'est ça, mais il y a un jeu d'abord sur le sang, on ne va pas spoiler, mais ces personnages qui vomissent leur sang, qui montrent leur sang comme exactement le font les personnages dans le Carpenter. C'est assez jouissif de la mort d'un des personnages principaux, quoi. Entre autres, mais là je trouve qu'on arrive vraiment dans un truc où on sait qu'il y a personne de concrètement bon, ils sont tous un peu mauvais au fond ou carrément mauvais partout. Au final, celui qui est montré comme le salopard de départ qui fout sur la gueule de Jennifer Jason Leigh est le personnage, pour moi, le moins salaud, le plus intègre, parce qu'il ne cache pas ce qu'il est. Lui, il dit franco ce qu'il est. C'est le même, dès le départ, et c'est ça qui est très beau. Et c'est marrant de voir comment, quel sort il subit. Qui est le premier à partir dans l'équation du film est... c'est hyper intéressant par rapport à ça. Il est montré dans le Tarantino comme un anti-héros absolu dès le départ, mais exactement de la même manière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène d'ouverture du Carpenter. Bien sûr. C'est Kurt Russell avec son jeu d'échecs et son verre de whisky. Son verre de whisky de GB, le GB d'ailleurs. De Jack Daniels, enfin voyons. C'est du GB, non? Je ne sais pas. Enfin bref. Qui est vraiment vendu comme un type peu aimable, mais qui s'en cache pas. Donc moi, dès le début du film, quand il est montré juste par le canon de son flingue à travers la diligence, à ce moment-là, j'ai déjà pensé au Kurt Russell de Carpenter. Et d'ailleurs, il faut souligner que Kurt Russell est vraiment excellent. Généralement, ils sont quand même plutôt bons. Après, on peut avoir des critiques, je pense, à adresser au film. Moi, je pense aussi, la critique, je la reçois aussi de la longueur du film, et quelquefois, ça tire à la ligne. Mais je l'avais aussi un petit peu sur Django Unchained. Je trouve qu'il est aussi déséquilibré. C'est un film que j'aime beaucoup, mais je pense qu'il y a un truc un petit peu en cuisine chez Tarantino. C'est que Tarantino, il a fait tous ses films avec Sam Montes, qui était Sally Menke, qui est décédé avant Django Unchained, et qui se retrouve avec un nouveau collaborateur. Je pense que c'est pas un truc qui se recrée aussi facilement. Et je pense justement, quelquefois, l'impression qu'on a dans son cinéma, tout d'un coup, tire un peu plus à la ligne, s'écoute un peu parler. Peut-être qu'elle avait fait aussi cette fonction-là. Quel avenir pour Tarantino alors? Parce que après ça là, parce que Tarantino a fait trois films criminels jusqu'à Jackie Brown, puis ensuite il y a eu Kill Bill qui est un peu transitoire pour moi, mais vraiment la transition elle se fait vraiment pour moi dans la deuxième partie de Kill Bill 2, où je trouve que le dialogue entre Carradine et Uma Thurman est pas très bon. Pourquoi est-ce qu'il est pas très bon? Parce qu'il est pas soutenu par autre chose. Faut dire, le dialogue se suffit à lui-même dans cette scène, je trouve. Tu parles de quelle scène en fait? La scène du Superman. Oui, pour moi, c'est une des plus belles scènes du film. Après, on va pas être d'accord, donc peut-être ne rentrons pas dans le débat. Tarantino se rentre dans sa deuxième partie de carrière, pour moi, dans ce moment-là. Et après, je trouve que Inglourious Basterds est un film hyper déséquilibré. Pour moi, c'est vraiment... Il y a un problème, disons-le, il y a Mélanie Laurent, qui est quand même le problème d'ancrage du film. Non, je veux dire, au-delà de ce qu'on peut dire sur l'actrice, il y a peut-être un souci de diriger une actrice française, etc., mais il y a un vrai souci d'ancrage émotionnel et de direction d'acteur à un moment en roue libre sur ce personnage-là en particulier, quoi. Certes, mais pour moi là il est rentré dans autre chose qui me semble avoir atteint son apogée avec Django Unchained, qui était un film plus flamboyant quand même, avec plus de choses, il brassait plus de choses. Je pense que ce dernier film-là qui me semble être un peu une forme d'impasse, d'ailleurs le film le dit lui, enfin quelque part il le dit lui-même, enfin je veux dire ce film est une impasse, quoi. Je peux juste dire un truc avant qu'on parte, je suis désolé, mais avant qu'on parte là-dessus, parce qu'on parle d'impasse, on parle de Inglourious Basterds, la partie huis clos du dernier me fait penser aussi une sorte de version rallongée et approfondie de la scène de la cave, que je trouve formidable dans Inglourious Basterds, où on sait que toutes les personnes qui rentrent dans cette cave n'en sortiront pas, tout comme on sait que les 8 salopards, ou les 9, 10, ou on ne sait pas exactement combien ils sont, mais tous les salopards du dernier film n'en sortiront pas, ou en tout cas fort mal en point. Je pense qu'il y a vraiment une relecture de son propre cinéma, et je vais revenir encore une dernière fois, et puis je vous jure que c'est fini sur le Carpenter. Mais je pense qu'il y a une dimension philosophique, qui est une sorte de déviation de Sartre, du huis clos, de l'enfer c'est les autres. Et là, c'est pas tellement l'enfer c'est les autres, mais l'enfer c'est soi, exporté dans le reflet, en miroitement chez les autres. C'est ce que j'adore, moi, dans le film de Carpenter, et c'est ce que je trouve assez fort aussi dans Hateful Eight. Pour rebondir sur ce que disait... Quelle belle parole, Lucien. Voilà. Pour Lucien qui nous fera quand même placer Jean-Paul Sartre dans un tapis sur Tarantino. Voilà, on applaudit quand même, Lucien. Mais justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Olivier, sur quel est l'avenir de la carrière de Tarantino, mais je pense qu'il y a répondu aussi lui-même très clairement. Il y a une interview hyper intéressante dans Ami américain de Tavernier, où il parle justement du four qui a été la sortie de Jackie Brown, qui était un film justement un Tarantino vraiment différent, beaucoup moins pop, beaucoup plus porté sur l'émotion, et qui a pas rencontré son public en salle. Et il a fait lui-même un peu son auto-analyse de qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qui est mon cinéma. Et il le dit clairement, voilà, mon cinéma, c'est de faire de la relecture pop, etc. Peut-être que maintenant, il a tracé son chemin et qu'il va partir beaucoup plus sur ça, même si maintenant, on sent qu'il y a beaucoup plus de choses à dire, etc. Mais l'équilibre n'est pas... Pour moi, l'équilibre qu'il aura eu le plus accompli dans cette deuxième phase après Jackie Brown, ça aura été Kill Bill. Et une des forces moi, de Kill Bill, c'est justement le côté diptyque, c'est que la première partie aura fait oublier à tous les gens que Tarantino, c'était un mec qui faisait du dialogue. Parce que tous les gens, au moment de Kill Bill 2, mon Dieu, il y a des dialogues, c'est long, etc. Mais vous savez, c'est ça, Tarantino. C'est justement la force, c'est justement la force. Vous avez oublié en un film, vous avez fait oublier ce qu'il était. Quoi. Et moi, c'est au-delà de ça, pour rebondir, on adresse toutes les critiques qu'on veut à Tarantino. Chaque fois, il me fait venir en salle. Et chaque fois, il y a des choses qui peuvent me déplaire des fois, mais chaque fois, il y a des choses qui me surprennent. Malgré tout, malgré le côté, ça tourne en boucle, il y a toujours des trucs qui me surprennent. C'est jamais exactement ce qu'on attend. Très bien. Donc, on va clore sur le Tarantino maintenant. Et on passera à Todd Haynes dans 5 minutes. Dearest, there are no accidents. And everything comes full circle. No explanation I offer will satisfy you. You seek resolutions because you're young. But you will understand this one day. Alors, dernier film de la soirée, Carol, le film de Todd Haynes, qui était présenté au dernier festival de Cannes, qui est reparti avec un prix d'interprétation féminine pour Rooney Mara. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Thérèse Bellivette, elle a un très joli nom. D'ailleurs, Cate Blanchett va flasher dessus au début du film. Thérèse Bellivette est une apprentie photographe et elle travaille dans un magasin de jouets où elle va rencontrer une femme un peu plus âgée qui s'appelle Carol, qui est interprétée par Cate Blanchett, et va se nouer entre elles deux une histoire qui se transformera en une histoire d'amour, mais en tout cas il y a un lien direct qui se lie entre les deux femmes. Il faut savoir que le film est adapté de Patricia Highsmith, un livre qu'elle avait sorti sous un pseudonyme, je pense, parce qu'à l'époque parler d'homosexualité était pas possible, en tout cas, je sais pas si c'est elle qui a choisi ça ou les éditeurs, mais en tout cas, je sais que ça a été sorti sous un autre nom, qu'ils l'ont réédité sous le nom de Patricia Highsmith par la suite. Elle-même travaillait dans un magasin de jouets dans sa jeunesse et aurait eu ce flash sur une sorte de femme fatale, comme ça, en manteau de fourrure, qui serait une cliente, qui serait venue lui acheter des jouets. Et le bouquin part de ce postulat, qui serait donc autobiographique, et le film lui-même est inspiré ou carrément adapté, mais je pense que c'est plus une inspiration qu'une réelle adaptation pure et dure du bouquin. Et donc, il va se nouer, disons-le, entre les deux femmes, une histoire d'amour, dans un décorum des années 50, ça se passe aux États-Unis, je crois que c'est sur la côte Est, hein. À un moment, elles font un voyage en voiture jusqu'à Chicago, je pense. Et c'est un peu un road movie, d'ailleurs. Enfin, on reviendra là-dessus, mais il y a une notion de ouais. Boucle et de retour dans le temps, de flashback, enfin bon. C'est intéressant parce qu'on pouvait se poser la question, donc Haynes qui retourne au mélodrame après ses expériences de films musicaux qui sont, je peux dire, globalement moins réussis que ces mélodrames. Pas inintéressant pour autant, ouais. Donc après Mildred Pierce, qu'il avait fait avec Kate Winslet, la mini-série, il reprend donc un mélodrame, les années 50. Sa précédente incursion là-dedans, c'était donc Loin du paradis, qu'il avait fait avec Julianne Moore, qui était vraiment un film directement inspiré de Tout ce que le ciel permet de Douglas Sirk, qui reprenait même l'esthétique directement de Douglas Sirk. À la limite, avec des ressorts narratifs un petit peu embarrassants, avec tout ce qui se posait sur le personnage de Dennis Quaid, qui était le mari, et qui était un ressort clairement de Douglas Sirk, et qui posait problème. On va spoiler sur le destin du personnage de Dennis Quaid, qui se révèle être homo, et donc être infidèle à sa femme, etc. Et qui avait beaucoup moins de puissance dans la société actuelle que dans un film de Douglas Sirk d'époque, quoi. Et donc, ce qu'on pouvait penser, en fait, ce qu'on pouvait craindre quelque part, c'était que Todd Haynes nous refasse le coup d'un mélodrame 50s qui soit de nouveau une espèce de coup de chapeau, en fait, à l'œuvre de Sirk, et quelque part un pastiche. Peut-être une piste d'explication, en tout cas une interprétation sur ce point-là. En Loin du paradis, c'est le réalisateur se pose un peu comme Douglas Sirk le faisait sur ses propres films, et c'est peut-être pour ça que Douglas Sirk m'aime moins que peut m'émouvoir Carol, qui se pose un peu en narrateur de l'histoire et en censeur d'une certaine manière, comme un démiurge qui jouerait avec des marionnettes comme ça et qui leur ferait vivre des drames. Tandis que Carole, la réalisation pousse le spectateur à être à l'intérieur du film, de par, entre autres, ce personnage de Rooney Mara, qui dirige un peu le film d'une certaine manière, de par son œil de photographe. On peut y voir évidemment une métaphore. On est dans son point de vue, ça c'est On sûr. Est dans son point de vue, et donc on est vraiment au niveau des personnages, et c'est pour ça que je trouve ça à ce point bouleversant, là où Loin du paradis et où certains films de Sirk le sont moins parce qu'ils sont vus du dessus, comme ça, qui peut me déranger dans les films de Sirk, qui me dérange carrément dans Loin du paradis. On pouvait craindre en effet que Carole soit de nouveau une espèce de relecture du mélodrame à la Sirk, mais justement là où le film me semble pertinent, c'est qu'il s'affranchit complètement de cet héritage pour créer quelque chose qui n'est pas unique, c'est pas comme si on n'avait jamais vu ça, mais quelque chose qui est typiquement à lui. Et c'est justement pas parasité par un espèce de postmodernisme justement sur un style de film hollywoodien. La force de Carole, c'est justement d'investir par des personnages le décorum du film hollywoodien, du mélodrame hollywoodien tel qu'on le connaît. Il est dépassé dès les premières minutes par ce qui s'échange dans les regards de ces personnages. Et l'enjeu, que ça soit une romance homosexuelle, il n'est pas joué comme un sorte de coup de boutoir. C'est une histoire d'amour. Et on vous emmerde sur le côté d'une relation homosexuelle ou pas. C'est là que le film, en effet, est très réussi, et notamment sur ce point-là. L'évidence de la relation amoureuse entre les deux filles et balaye complètement toute convention, toute norme de couple ou quoi que ce soit, même purement même du décorum qu'il a mis des 50s, on s'en fout que ce soit dans les 50s en fait. Le truc est qu'il arrive, notamment dans cette scène-là du début, qui est absolument magistrale au point de vue du découpage, cette séquence de premier échange de regard et ensuite de toute la discussion qui va suivre, tout ceci est mis en scène d'une manière qui est absolument limpide, je veux dire. Carole, c'est un film limpide. Au contraire, donc, des deux films dont on a parlé précédemment, que ce soit Joy ou que ce soit Hateful Eight, Carole, c'est un film qui est absolument en ligne claire. C'est un film qui sait quel est son sujet, c'est une histoire d'amour, point barre. Et son sujet, il garde son sujet, il le tient, et il n'y a rien d'autre qui l'intéresse, c'est-à-dire qu'il ne dévie jamais. La force de Todd Haynes, c'est vraiment qu'il y a une sophistication purement au niveau de son découpage, au niveau de son montage, Au niveau de son cadre, qui s'inscrit complètement dans le projet de son film. C'est un film qui est d'une cohérence absolument parfaite de la première à la dernière minute. Dès le départ du film, c'est que l'alchimie entre Blanchett et Mara, elle est totale. Dès le départ, on ne se pose même pas la question de comment après va évoluer le film. Dès le départ, on sait qu'il y a quelque chose qui les lie en une seule scène. Il arrive à faire ça. Tu dis que le film se tient sur l'histoire d'amour, mais il y a plein de sous-textes à ça. Moi, je trouve, par exemple, vous parlez tous les deux du regard. Je pense que c'est vraiment en dehors d'être une thématique visuelle. Enfin, dans le film, c'est un sujet en soi. C'est le regard de l'artiste sur ce qu'il aime, la personne qu'il aime, mais pas que. Une mise en abîme aussi du cinéma. Enfin, je trouve que c'est vraiment un film qui est plein de finesse dans ce qui n'est pas explicite, ce qui n'explose pas à l'écran, mais qui propose plein de sous-lectures très discrètes qu'on peut voir et peut-être même découvrir après le film. Ce titre, le dernier plan du film, est absolument terrassant. Enfin, on est sur... Le regard. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un regard. Je pense que le film prend encore une dimension encore plus grande dans l'après-film. Exactement. Et c'est franchement pas le cas de tous les films. En plus, il te laisse une impression très très forte. T'as envie d'en parler avec les gens qui l'ont vu. T'as envie de revenir dessus. T'as envie de revenir sur ce dernier plan, sur qu'est-ce que ça signifie ce dernier plan. Mais qu'est-ce que tu imagines à la suite pour ces personnages-là. Moi, quand je vais voir Carole, quelque part, au fond de moi, j'ai un peu peur en me disant « Ah, est-ce qu'il va me faire le truc genre l'homosexualité, on va les montrer du doigt dans la rue, on va leur jeter des tomates et tout ça. » Et il se tire de ça avec une subtilité, avec une classe. En fait, ça ne l'intéresse pas. Donc comme ça ne l'intéresse pas, il l'aborde, mais il ne s'en embarrasse pas. Je comprends ce que tu veux dire, je suis assez d'accord sur la base, mais je pense que ça va encore plus loin. C'est pas que ça ne l'intéresse pas, parce qu'il le traite, mais dont il ne fait pas une fin en soi. Dans la continuité du film, il y a un moment où on aborde ça, et on l'aborde bien, je trouve, de Très manière bien. Complète. On ne le laisse pas de côté pour se concentrer sur l'histoire d'amour qui serait universelle. Il aborde ce thème de l'homosexualité dans une certaine époque, avec des finalités qui peuvent être extrêmement graves, parce qu'à un moment, Carole, sans trop spoiler, joue sa maternité, enfin joue son rôle de mère. La garde de sa fille, voilà, ça, on va dire les choses simplement. Mais c'est presque un épisode dans le film, mais il n'en fait pas un truc... Lourd, et je pense que là-dessus, le film s'éloigne d'une certaine manière du mélodrame, parce qu'en fait, ça n'a pas la structure du mélodrame, c'est pas une histoire d'amour où il va, dans laquelle il va se passer quelque chose qui va la rendre impossible et qui va amener aux larmes ou quoi. Le film, c'est une sorte de boucle. Et on pourrait le prendre à presque n'importe quel moment. À la limite, on pourrait le prendre à partir de son deuxième tiers, regarder la fin, et puis le redémarrer au début et s'arrêter là où on a commencé, que le film aurait tout de même une logique. Et là, et ça, c'est un travail de scénariste, mais de dingue, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un film qui traînait à Hollywood, je pense, depuis des années. Cate Blanchett avait donné son accord pour tourner dedans. Rooney Mara a dit oui, puis non, puis oui, puis non. Et Todd Haynes est arrivé en dernier là-dessus, et il en a fait un truc qui se fond dans sa filmographie, et qui se mêle à sa sensibilité avec une intelligence absolue. Et qui laisse espérer du meilleur, surtout pour la suite de sa filmographie, parce que voilà, moi, j'étais pas du tout client du film qu'il avait fait sur Bob Dylan. Oui, il était plutôt sur une pente descendante, et en fait, en s'investissant dans un film de commande, il s'y retrouve vachement plus, quoi. C'est ça qui est assez paradoxal, mais aussi peut-être justement qu'il a peut-être mis une partie de son ego, certaines choses qu'il avait réglées en tant qu'auteur, et de se mettre au service d'un récit, de personnages, et d'y aller à fond. Parce que tu dis que ça s'éloigne du mélodrame, mais pourtant c'est énormément porté sur l'émotion. Non, ce que je veux dire, c'est la structure pure du mélodrame. Tout parce que oui, bien sûr, les rebondissements ne sont peut-être pas les mêmes, aussi forcés, mais c'est aussi, pour revenir un tout petit peu à Sœur qu'avait introduit Lucien, c'est justement cette force-là chez Sœur qui avait cette absence de cynisme sur des personnages, ne pas avoir cette peur qu'aujourd'hui on a dès qu'un cinéaste va un temps soit peu de manière un peu forte dans l'émotion. Et je trouve que par exemple David de Russell aussi, il va à fond les ballons sur certains aspects, mais dès qu'on dévie un petit peu, qu'on allait trop loin sur l'émotion, c'était un peu suspect, alors qu'il y a c'est extrêmement délectable. Et peut-être que justement en ne prenant pas de retenue sur les émotions de ces personnages-là, il s'est peut-être aussi vachement retrouvé dans son cinéma, à filmer, à se dire, ce qui compte avant tout, c'est de filmer et de retranscrire les émotions de ces personnages-là. Et c'est ce qu'il arrive à capter de manière magnifique dans tous ses plans. Ce qui est génial aussi, et qui m'impressionne d'autant plus que c'est un scénario préécrit, enfin un film de commande, comme on dit, c'est à quel point le film au niveau... Enfin, le grand thème du cinéma de Todd Haynes, c'est une ou plusieurs personnes sorties par leur bon vouloir ou contre leur gré de leur mode de vie plus ou moins arrangé. Ici, c'est Rooney Mara, par exemple. C'est Rooney Mara, mais c'est Cate Blanchett aussi, qui est sortie contre son gré, donc par son entourage, mais par choix aussi, parce que c'est par amour. Mais qui a déjà fait l'expérience. C'est aussi ce film, c'est aussi un espèce de parcours initiatique par quelqu'un qui a déjà une expérience. C'est là, encore une fois, je le relis au road movie. On dit que le road movie, c'est avancer d'un point A à un point B en faisant le chemin inverse, enfin en retournant vers le passé du personnage. Je pense que Carole, le personnage de Carole qui donne son nom au film, c'est vraiment ça qui se passe à partir du moment où elle prend la voiture pour partir. C'est-à-dire qu'elle part pour aller vers ailleurs, et puis au cours de ce voyage, donc d'un point A à un point B, elle revient à son état d'origine, c'est-à-dire de devoir rejeter cette relation amoureuse. Tandis que l'autre, qui est plus jeune et qui est dans une phase d'apprentissage, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'elle grandit pendant ce truc-là et qu'elle en sort, grandit, à partir de ce moment-là, c'est elle qui mène le film, alors qu'au début, pour moi, c'est Carole qui mène le film. Ouais, mais ça veut pas dire non plus que le personnage de Thérèse va devenir ce qu'est Carole au début du film. Les deux filles auraient mérité un prix d'interprétation ex-aequo, mais Rooney Mara, c'est elle ta porte d'entrée dans le film et c'est elle qui fait le plus grand trajet. Et donc Rooney Mara, elle a vraiment le rôle principal dans le film. Je pense qu'elle est une projection de Todd Haynes. Peut-être. Elle est la metteur en scène du film à l'intérieur du film pour moi. Ok, donc ce sera tout pour ce soir. Il est déjà bien avancé. Nous avons dépassé le temps d'une manière quasi exponentielle. On est content d'avoir fait ça. En tout cas, nous, on a pris du plaisir. On espère que vous avez pris du plaisir à nous écouter. Et, on espère vous retrouver le mois prochain, c'est ça ? Peut-être le mois prochain. On va parler ensemble du programme. Peut-être des heures revenantes, pourquoi pas. Puis peut-être d'un film français ou un film en tout cas qui n'est pas anglophone. Et donc merci de votre une rétrospective sur le cinéma de Maïwenn. Pourquoi pas, une rétrospective sur le cinéma de Maïwenn. En tout cas, on en parlera. Merci, au revoir.